Chapitre 18e. Pourquoi le plancher craque ? Ce fut avec le plus grand émoi que l'on apprit au ministère l'arrestation du jeune Reynaud. M. Desboisbilly, ministre des Affaires étrangères, avait prié Paulin Broquet de venir lui faire part dans son cabinet de tous les détails de cette pénible affaire. Le détective, devant M. Laronce, préfet de police, M. Ramard, chef de la sûreté, et M. Simonet, chef de cabinet du ministre, après avoir fait le récit de l'arrestation de Reynaud, donner des explications complémentaires. Le capitaine de la Rochardie, dit-il, avait grandement raison quand il prétendait ces jours-ci, dans le cabinet de M. Simonet, devant vous, monsieur le ministre, que les planchers ne craquent pas si l'on n'appuie pas dessus. Lorsque le plancher du couloir reliant le cabinet de M. Simonet à votre bureau, monsieur le ministre, craquait, c'était, bien que le capitaine ne l'eût pas aperçu, parce que le jeune Reynaud se tenait aux écoutes. C'était parce qu'un homme extrêmement habile se trouvait avec le jeune Reynaud, et c'était parce que le jeune Reynaud donnait à cet homme toutes les facilités de circuler durant le jour dans le ministère, et même le moyen de pénétrer ici, et d'y demeurer pendant la nuit. C'est épouvantable, cela. Ce personnage avait aussi, grâce à cette complicité, le moyen d'arriver jusque dans votre bureau, monsieur le ministre, de faire les photographies des documents qu'il ne voulait pas emporter pour ne pas donner l'éveil. Quand ces documents étaient, comme le traité des Dardanelles, encore inachevés, incomplets, et qu'il devait attendre qu'ils fussent terminés. Ce qui n'aurait pas été possible si vous, monsieur le ministre, aviez été privé par lui de vos brouillons, de vos notes et des documents que vous étiez en train d'établir. « Très juste, » fit observer le ministre des Affaires étrangères. Cependant, et pour ainsi dire jour par jour, le bandit s'emparait au moyen de la photographie de ces documents et les replaçait dans votre armoire de fer, sans que personne puisse s'apercevoir qu'ils étaient déjà entre les mains des traîtres et des espions. Le hasard de la chemise en carton qui, dernièrement, empêcha l'armoire de fer de se fermer, nous donna l'éveil, nous mit sur la voie. J'ai trouvé ensuite le magnésium. Je vous ai démontré, monsieur Simonet, que l'on avait pris l'empreinte de la clé dont vous aviez la garde. Il ne nous restait plus qu'à trouver comment s'introduisaient ici les malfaiteurs, à savoir qui leur facilitait la besogne. C'est fait. Nous avons donc en possession le cliché du traité des Dardanelles, qui fort heureusement, pour une raison que nous ne savons pas encore, n'a rien donné, malgré l'habileté des opérateurs, et je sais quel est le bandit qui l'autre soir a mis en émoi tout le ministère. Vous savez, demanda le ministre, qui est le coupable? J'ai vu l'homme s'enfuir. S'il m'a glissé entre les doigts, ce n'est pas, comme on le prétend, parce qu'il a une peau d'anguille, et que je ne pourrais jamais le saisir, le tenir, mais parce que la fatalité a été contre moi, ou parce qu'il est plus habile que moi, ou bien seulement parce que c'est Zigomar. Ce dernier membre de phrase fit sourire tous ceux qui écoutaient Paulin Broquet parler. M. Desboisbilly lui tendit la main, lui disant « Le malfaiteur a toujours l'avance de l'initiative sur le détective qui le poursuit. Mais malgré le succès apparent du bandit, le détective finit par s'emparer de lui. C'est une des lois inéluctables de la nature. C'est forcé, parce que le détective est le serviteur de la loi, de la justice, et que la justice et la loi doivent, malgré tout, et après les luttes obligatoires nécessaires à tout événement humain, être les maîtresses souveraines et triompher, en fin de compte. » Le ministre ajouta, en riant cette fois, « Donc, mon cher Paulin Broquet, si l'illustre Zigomar a fait l'autre soir un saut d'écureuil, il a dû son salut, après s'être envolé, comme vous nous l'avez raconté précédemment, à son filet d'acrobate. Je tiens maintenant pour certain qu'il ne tardera pas à tomber dans d'autres raies, dans les filets de Paulin Broquet. » Paulin Broquet remercia le ministre de ses paroles de bon augure et reprit « C'est d'ailleurs déjà Zigomar lui-même qui m'a fourni le moyen de prendre ce malheureux garçon que depuis longtemps je soupçonnais d'une faiblesse coupable. Zigomar devient votre collaborateur, mon cher Broquet. Je savais que le jeune Reynaud pariait aux courses et perdait beaucoup d'argent. Or, sa fortune personnelle est pour ainsi dire nulle. Il vit de ce qu'il touche au ministère et d'une faible rente que lui fait sa mère. Mais cela ne lui permet pas d'avoir des écarts de quelques milliers de francs sur les champs de course. Non, en effet. Quand je me suis posé ce problème classique, d'où vient l'argent, je n'ai pas été long à trouver son origine dans les relations mondaines du jeune Reynaud, qui flirtait avec la belle comtesse Pepa d'Ortega et jouait aux courses avec le brillant marquis Don Isigo Martolo. En disant ces mots, Paulin Broquet avait abaissé sur ses yeux gris et froids ses paupières. Il enveloppait de son regard le jeune chef de cabinet du ministre, M. Simonet. Simonet devint à ce moment d'une pâleur cadavérique. Cependant, se raidissant, il employa toute sa volonté pour ne pas laisser paraître son émotion, et il écouta avec la plus grande attention, comme tout le monde, Paulin Broquet poursuivre son récit. « J'ai surpris, reprit le détective, le jeune Reynaud que je suivais depuis longtemps aux courses, ayant une entrevue derrière les tribunes, dans un endroit désert, avec ce singulier personnage que j'ai trouvé assassiné et pendu en effigie, cet homme bizarre, canon James Benhamol, égyptien, sujet anglais. J'ai vu encore le jeune Reynaud parlementer tout bas, dans un coin, avec Don Isigo, au dernier thé de la délicieuse comtesse Pepa d'Ortega, tandis que moi, en tant que domestique, je faisais mon service parmi la bataille de l'hôtel, qui était même ce soir-là d'une essence particulière. Je vis ensuite, dans la soirée, après le thé, le jeune Reynaud se rendre dans un restaurant allemand du passage des Petites Écuries. Là, moi, bon bourgeois parisien, j'ai mangé quelques plats de cuisine d'Outre-Rhin, j'ai bu de la bière de Munich, dans laquelle l'alcool de pomme de terre, l'acide salicylique et autres ingrédients de conservation de bière allemande et de destruction d'estomac français se mélangent à plaisir. J'ai vu le jeune Reynaud dîner avec M. James Benhamol, égyptien, sujet anglais, mais correspondant de journaux allemands. Cette amitié était plus que suspecte déjà, vous en convenez. J'ai vu M. Reynaud échanger avec James Benhamol des enveloppes. Celle que donna James Benhamol contenait des billets bleus de la Banque de France. Celle que livra M. Reynaud contenait assurément des documents. James Benhamol la glissa dans sa poche. Je laissai partir M. Reynaud avec ses billets bleus, car la preuve de la trahison n'eût pas été suffisante, mais je voulais avoir les documents qu'emportait précieusement M. James Benhamol. Dans le coin le plus sombre de ce singulier passage, propice au coup de main, je suis tombé sur James Benhamol. Or, voici que cet homme, qui me paraissait devoir être battu en quelques secondes et dépouillé presque aussitôt, m'opposa la plus vive et la plus habile des résistances. J'avais affaire non pas au banquier de la rue Saint-Marc, que j'ai déjà trouvé assassiné, puis une seconde fois pendu, mais à mon ennemi Zigomard. « Encore Zigomard ? » s'écria-t-on. « Toujours Zigomard, » répliqua Paulin Broquet. Il reprit. « Il faut croire qu'il y a une providence pour les chenapans de son espèce, ou que le diable s'en mêle plus tôt, car bien que j'eusse pris toutes mes précautions, mes hommes sont arrivés trop tard, comme les carabiniers célèbres, tandis que les auxiliaires de ce bandit ont rejoint leur chef assez tôt pour l'arracher de mes mains. » Zigomard, une fois de plus, justifia le surnom de la malignité populaire la gratifier, et Prodangui me glissa des mains, laissant toutefois en ma possession un peu de sa peau, c'est-à-dire la perruque, les postiches et le masque de cire, qui me permirent ce matin de paraître devant le jeune Reynaud en James Benhamol et de le surprendre tel la pie au nid. Le ministre dit alors à Paulin Broquet et aux personnes qui se trouvaient là, « On a pris des documents, mais ce sont des documents qui, ainsi que vous nous l'aviez demandé, mon cher Broquet, sous une apparence de grande importance, n'ont en réalité qu'une valeur relativement insignifiante, et qui pouvaient être livrés aux autres chancelleries sans nous causer le moindre préjudice. » Il y eut à ce moment une scène déchirante. C'était l'oncle du jeune Reynaud, le sénateur, qui, ayant appris l'arrestation de son neveu, accourait, tout alarmé, demander des explications et espérant qu'on mettrait immédiatement en liberté ce malheureux garçon, victime d'une effroyable erreur, assurément. Le sénateur ne pouvait pas croire à la culpabilité de son parent, et il fallut que le ministre lui mît sous les yeux les preuves irréfutables de la complicité de Reynaud pour qu'il se rendît à la cruelle évidence. Cet homme honorable éprouva une des plus grandes douleurs de sa vie. Il avait, lui, le culte de l'armée et le plus grand souci de sa patrie. C'était un homme d'honneur et de conscience scrupuleuse. Il éclata en sanglots devant cet affreux malheur. Le ministre, très ému, dut lui donner l'assurance que la faute de ce garçon un moment perdu et entraîné par des gens adroits, ayant su se rendre maître de lui en flattant ses vices, n'entachait en rien sa personnalité propre à lui, sénateur, son parent désolé, et ne pouvait diminuer la haute estime dans laquelle le tenaient ses collègues du Sénat, les membres de la Chambre et le ministère tout entier. Le sénateur, absolument désespéré, se retira en pleurant et regrettant que Paulin Broquet soit arrivé à temps et eut l'adresse d'empêcher son neveu de se faire justice et d'expier sur le champ la faute qu'il avait commise.